Chapitre 2e. C'était dans les dîners auxquels l'invitait son cher collègue qu'Adeline avait fait la connaissance du vicomte de Mussidan, l'homme du monde le plus affable et le plus aimable qu'il eût jamais rencontré. Comment, dans ce jeune homme élégant et distingué, d'une politesse exquise, de grande manière, reconnaître Frédéric, l'ancien croupier de Barthelas? Personne n'en aurait eu l'idée, alors même qu'on l'aurait entendu prononcer les mots sacramentels « Messieurs, faites votre jeu !» Le jeu est fait, qui d'ailleurs ne lui échappait point, car on ne jouait pas chez Raphaël. Ils étaient fort agréables, ces dîners, où, à l'exception du vicomte de Mussidan et du père de la maîtresse de la maison, un ancien militaire de belle prestance et décoré, on ne rencontrait que des collègues avec lesquels on continuait les conversations commencées au palais Bourbon. Aussi était-il rare que les invitations de M. de Chalus ne fussent pas acceptées avec empressement. C'était avenue Dantin, à deux pas de la chambre, que demeurait Raphaël. En sortant après la séance, on était tout de suite chez elle. Et le soir, après dîner, une promenade sous les arbres des Champs-Élysées avant de rentrer chez soi, aidait la digestion des bonnes choses qu'on avait mangées et des bons vins qu'on avait bus. Car on mangeait de bonnes choses dans cette maison hospitalière, et même on n'y mangeait que de très bonnes choses. Pendant qu'il était préfet de la Gironde, M. de Chalus s'était fait de nombreux amis dans son département, et ceux-ci se rappelaient de temps en temps à son souvenir par l'envoi d'une caisse de ses vins de propriétaire qu'on ne trouve pas dans le commerce. De son côté, Raphaël, qui pendant son passage à travers la haute noce avait appris à apprécier la bonne chère, savait quelle lassitude éprouvent ceux que les invitations accablent en s'asseyant tous les soirs devant le même dîner. Celui qui sort des 4 ou 5 grandes cuisines, où un certain monde fait ses commandes, comme un autre fait les siennes au bon marché ou à la belle jardinière. Et ce n'était point ce menu banal qu'elle offrait à ses convives. Pendant 8 jours à l'avance, quand elle avait décidé de donner un dîner, elle faisait essayer par son cordon bleu, qui était une femme de mérite, les mets qu'elle voulait servir à ses hôtes, et ceux-là seuls, qui étaient supérieurement réussis, paraissaient sur sa table. Que demander encore ? Plus d'un convive, en s'en allant le soir, confessait sa satisfaction à son compagnon de route par un mot qui bien souvent avait été répété. Décidément, on dîne bien chez les gueuses. Et comme il n'était pas rare que celui qui s'exprimait ainsi fût un bon provincial, c'est avec une pointe de vanité libertine qu'il lâchait son mot. À Carpentras, on ne faisait pas de ces petites débauches, même quand on était l'honneur du barreau de cette ville célèbre, et à Elbeuf non plus, quand même on était la gloire de la fabrique elbeuvienne. Quelquefois, il est vrai, un convive dyspeptique insinuait que M. Urpin, le père de la maîtresse de maison, qui se carrait à table avec une si belle prestance, était bien vulgaire, et que sa manie de présenter son épaule gauche décorée du ruban rouge, quand on parlait d'honneur, était insupportable. Que ses observations, lorsqu'il en lâchait, ce qui d'ailleurs était rare, car il n'ouvrait guère la bouche que pour manger, étaient stupides ou grossières, mais ses critiques ne portaient pas. « Vous avez beau dire, mon cher, on dîne très bien chez les gueuses, et ce coquin de Chalus est bien heureux. » Quant au vicomte de Mussidan, il n'y avait qu'un mot sur son compte, charmant. Il était la joie et la jeunesse de ses dîners, il en était le champagne. Le mot avait été dit par l'honneur du barreau de Carpentras, qui se connaissait en esprit. Si le comte de Chalus avait un inépuisable répertoire d'anecdotes curieuses et salées sur le monde du Second Empire, le vicomte de Mussidan n'avait un qu'il renouvelait tous les jours sur le monde actuel. Il savait tout, il disait tout, et vous révélait un Paris qu'on ne soupçonnait même pas. Avec cela, bon enfant, discret, modeste, ne se vantant jamais de sa fortune ni de ses aïeux. Si quelquefois le hasard de la conversation amenait le nom d'Ernest Faré, l'auteur dramatique qui était son beau-frère, il ne s'emparait point davantage, malgré les brillants succès que celui-ci avait obtenus en ces dernières années. Tout au contraire, il laissait entendre, mais à demi-mot et discrètement, qu'il avait espéré un autre mariage pour sa sœur, héritière d'une des plus belles fortunes du Midi. Évidemment, si ses convives avaient connu la bohème parisienne, ils auraient su que ce vieux militaire, qui tenait si bellement sa place à la table de sa fille, était simplement un ancien garde municipal, décoré à l'ancienneté et non officier, comme il l'avait entendu dire. De même, ils auraient su que le vicomte de Mussidan avait d'autres raisons que la modestie et la discrétion pour ne point parler de sa fortune. Mais ils ne la connaissaient point, cette bohème, et s'en tenaient à ce qu'ils voyaient, à ce qu'ils entendaient, n'ayant pas d'intérêt à chercher s'il se cachait quelque chose de mystérieux sous les apparences. On dîne bien chez les gueuses. Il y avait là un fait, et il était inutile d'aller au-delà. De quoi se serait-il inquiété? Si quelquefois on se demandait quelle était la situation vraie du comte de Chalus et du vicomte de Mussidan dans la maison, on traitait la question en riant, comme en un pareil sujet, il convient des gens qui voient clair. Pauvre comte de Chalus. Dame, mon cher, que voulez-vous à son âge? Et l'on se faisait un plaisir de demander aux chers collègues des nouvelles du jeune vicomte. Le soir où le jeune vicomte avait reconduit Adeline rue Tronchet en parlant de la faillite des frères Bouteiller, il était revenu vivement avenue d'Antin après avoir mis le député chez lui et l'avait trouvé Raphaël l'attendant devant le feu. « Comme tu as été longtemps, » s'écria-t-elle en venant à lui. « Est-ce fini au moins ?»« Non. Parce que ?»« Ah, parce que... » « Tu n'as pas fait ce que je t'ai dit ?»« Exactement. »« Eh bien alors, il s'est défendu. »« L'imbécile, c'était gros. » Il fallait profiter de l'occasion, c'est pour cela que je t'ai tout de suite lâché sur lui. Sans doute, mais peut-être aurait-elle gagné à être préparée. C'est quand j'ai compris à son air plus encore qu'à ses paroles, combien cette faillite l'atteignait gravement, que l'idée m'en est venue. Si nous attendions, il pouvait se tourner d'un autre côté et nous trouvions la place prise. Je ne dis pas que tu as tort, mais l'affaire n'en était pas moins délicate. Enfin, comment la chose s'est-elle passée? Que lui as-tu dit? Que t'a-t-il répondu? Il s'était approché du feu et il présentait un pied à la flamme. « Comme tu es mouillé, » dit-elle. « Il fait un temps ne pas mettre un chien dehors, et pourtant je l'accompagnais comme si j'avais conduit un aveugle. J'ai eu toutes les peines du monde à l'empêcher de prendre une voiture. Je vais te donner tes pantoufles. » Elle ouvrit une armoire et resta assez longtemps penchée, cherchant. « Ne te trompe pas, » dit-il. Elle se retourna et le regardant avec l'air qu'on prend au théâtre pour traduire la dignité outragée. « Crois-tu qu'il a les siennes ici ?» piqua-t-elle. « Enfin, il y a trop longtemps qu'il est ici, ce préfet des Plumets. Sois tranquille, il ne restera pas longtemps quand nous n'aurons plus besoin de lui. » Elle avait trouvé les pantoufles, elle revint à lui, et l'ayant fait asseoir, elle s'agenouilla pour le déchausser. « Maintenant raconte, » dit-elle, en s'asseyant contre lui sur une petite chaise basse. En sortant, j'ai tout de suite mis la conversation sur les faillites, et à ce propos, je lui ai dit les choses les plus éloquentes sur l'infamie des commerçants qui font faillite tranquillement pour ne pas payer leurs dettes, alors que nous, gens du monde, nous nous brûlons la cervelle. Le sujet prêtait, j'ai démanché là-dessus. Et notre homme? Tu ne devineras jamais ce qu'il m'a répondu. Il s'est mis à m'expliquer qu'on ne faisait pas faillite tranquillement, qu'il n'y avait pas de plus grande douleur pour un commerçant, etc., etc. Alors voyant ça, je me suis retourné et j'ai dit comme lui, le contraire de ce que je disais. « Es-tu gentil ?» Elle lui baisa la main. J'ai compris cette douleur, je l'ai partagée. Quel drame que celui qui se joue dans le crâne d'un commerçant faisant ses additions. Quelle situation. J'avais mon pont. Une faillite en entraîne 10 autres, et par le fait d'un seul commerçant, 10 autres sont menacés, alors même qu'ils sont les plus solides. Tu vois la scène sans que je te la file. C'est à ce moment que j'ai mis à profit les leçons de Barthelas, et que je me suis rappelé l'exemple de ce vieux coquin qui, sans avoir jamais prêté un sou à personne, a passé sa vie à offrir tout ce qu'il possède à tout le monde. Je n'ai pas offert tout ce que je possède à notre homme, c'eût été trop. Tu es adorable. Mais j'étais heureux de mettre à sa disposition 50 000 francs, et même plus, s'il en avait besoin. Et il a refusé. Parfaitement. Tu n'as pas insisté. Tant que j'ai pu. Je me suis même fâché. Ce refus était une offense à ma sympathie, à mon amitié, enfin, tout ce qu'on peut dire. Il n'en a donc pas besoin. Crois-tu que mon enquête à Elbeuf a été malmenée? Il est gêné, très gêné. S'il marche encore, il ne peut pas tarder à s'arrêter. Tandis que ses concurrents, les fabricants moins haut placés que lui, se sont conformés aux exigences du commerce et ont produit ce qu'on leur demandait, il s'est entêté à fabriquer le genre de sa maison, et on n'en veut plus du genre de sa maison. Il faisait bien, il veut continuer à bien faire. C'est grand, c'est noble, c'est sublime, seulement ça l'a mené où il est arrivé. Alors comment n'a-t-il pas accepté ton offre? Affaire de dignité. Un homme comme lui n'accepte pas un prêt qu'il n'a pas demandé. Il aurait fallu qu'à mon éloquence s'ajoute à la musique des Fafios. Elle réfléchit un moment. Il faut recommencer. Toi? Non, toi. J'en arrive. Tu y retourneras, et dès demain matin, seulement cette fois, tu pourras jouer du Fafio. Je vais te signer un chèque de 50 000 francs. tu iras le toucher demain matin à l'ouverture des bureaux et aussitôt tu courras chez Adeline. Tu lui diras que tu as pensé à lui toute la nuit et que tu lui apportes les 50 000 francs que tu lui as proposés. Que c'est te fâcher de lui refuser, enfin tout ce qui te passera par la tête. Il aura de la défiance. De quoi et pourquoi? Tu ne lui as jamais rien demandé. Quand plus tard il verra qu'on lui demande quelque chose, il sera si bien pris qu'il ne pourra plus se dépêtrer. Tu disais qu'il t'aurait fallu la musique des Fafio. Tu l'auras. À toi d'en jouer de manière à réussir. Le moment est décisif. Profitons-en. Jamais nous ne retrouvons un homme comme ce brave provincial qui, tout naïf qu'il soit, n'en a pas moins de l'influence à la Chambre et ce qui vaut mieux, auprès des gens du gouvernement. Ce n'est pas à lui qu'on pourra répondre comme à ce pauvre Chélus. Pourquoi diable l'as-tu pris, celui-là? On se sert de qui on peut. J'avais celui-là, je l'ai pris. Nous avons Adeline, ne le laissons pas nous échapper des mains. Où retrouver son pareil? Il n'entend rien au jeu. Il ne connaît pas la vie parisienne. Il n'a que des relations politiques. Il a des amis à la Chambre. On le croit riche. Tout le monde l'estime. Il a de l'honorabilité à revendre. Et à couvrir 10 mauvaises affaires, c'est une perle. Le hasard fait qu'il se trouve dans une position embarrassée, où nous pourrons l'aider. Prenons-le de force. Fais-moi un reçu de 50 000 francs, je signe le chèque. » Il ne se montra pas offusqué de cette demande reçue, et tout de suite il écrivit sur une petite table volante qu'elle lui apporta pour qu'il n'eût pas à se déranger. « Maintenant, tu peux dormir tranquille, dit-elle. Je me charge de te réveiller à temps. » En effet, le lendemain, elle le réveilla à 8 heures, et après s'être habillé, il partit pour aller toucher les 50 000 francs au Crédit Lyonnais, où, depuis un certain temps déjà, ils attendaient l'occasion d'être employés. Au bout de 2 heures, il revint. Sa physionomie toute différente de celle de la veille disait qu'il avait réussi. Elle lui prit les 2 mains follement. « Alors nous pouvons danser le pas des fiançailles, nous le tenons. » Et elle l'entraîna.